One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Frères et sœurs en islam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à une nouvelle séance de l'étude de tafsir surat al-Najm. Et on continue avec la ayah numéro 39 dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Et dans notre dernière séance, on a déjà expliqué ici le sens général de cette ayah. C'est que l'être humain, au fait, la personne sera responsable principalement de ses œuvres à elle. Chacun sera responsable de ses propres actions. Ici, les ulama, ils parlent de certains points très intéressants à propos de ce sens. Numéro 1. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla il dit wa laysa lil insani illa ma sa'a, l'être humain n'aura pour lui que ma sa'a, si ça parle du passé, ce que tu as fait avant. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit wa laysa lil insani illa ma yas'a, ce qu'il fait maintenant. Ma sa'a, pourquoi le passé? Li ziyadati al hath 'ala as-sa'y fi al-'amal as-salih, car dans cela il y a une incitation à faire beaucoup de bonnes œuvres, parce que ce qu'on peut prendre pour acquis, relativement parlant bien sûr, c'est ce qu'on a déjà fait. مَا حَصَّلَ وَمَا فَرَغَ مِنْهُ, ce qui a déjà été accompli. وَأَمَّا تَسْوِيلَاتُ الشَّيْطَانِ وَعِدَاتُهُ فَلَا اعْتِمَادَ عَلَيْهَا. Les promesses du shaitan, il ne faut pas trop se fier sur ça. Moi je vais dire, je sais qu'auprès d'Allah Ta'ala, ce qui compte c'est mes actions. De ce fait, un jour, Inch'Allah, je vais faire Hajj, je vais faire Umrah, je vais faire des trucs pareils. Non, non, ça c'est quoi? C'est les... Peut-être c'est des intentions, mais aussi très souvent c'est quoi? Taswila de Shaitan. C'est Shaitan qui me dit, attends plus tard, tu pourras faire rien, ainsi de suite. Donc non, ce qui est de notre côté, de notre camp, c'est ce qu'on a déjà fait. Mais ça... Même si, encore une fois, comme il explique ici l'imam Sa'di rahimahullah, من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه, celui qui a l'intention de faire le bien et que son intention elle est ferme et qu'il a pris les mesures dans le domaine de ses capacités de faire ce bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera l'état de celui qui a accompli. يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْفَاعِلِ. Parfois les intentions, comme on le sait, elles sont suffisantes pour être récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faudrait que ces intentions soient fermes et que la personne, elle a fait de son mieux, mais elle ne pouvait pas faire plus que ça. Allah ta'ala, il dit dans le Coran Karim, « In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. » Donc ça, c'est des ayats qui confirment le même sens. Ce qu'on fait de bien, c'est pour nous. Ce qu'on fait de mal, c'est contre nous. « Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a. » فعليها. طيب ici l'imam Ibn Kathir rahimahullah il nous explique que l'imam Shafi'i à partir de cette ayah istambata, il a déduit que al-qira'a, la récitation du Coran, on ne peut pas transférer sa récompense aux morts, aux défunts. Ça veut dire la question que les ulama se posent, est-ce qu'on peut offrir la récitation du Coran? Je vais réciter le Coran aujourd'hui au profit de mon grand-père, au profit de mon meilleur ami qui est décédé. Autre chose. Est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Imam Shafi'i rahimahullah, de cette ayah, il a déduit qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Parce que lui dit quoi? وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Chacun n'aura que ce qu'il a accompli lui-même. Il dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Ibn Kathir il vient pour faire son commentaire. فَأَمَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدَقَةُ. Pour ce qui est du dua, être bénéfique aux défunts par notre dua. Ya Allah, pardonne-lui ses péchés. Ya Allah, fais élever son rang dans le paradis, ainsi de suite. Ou la sadaqa, je donne une sadaqa, charité, au nom du défunt. Il dit فَذَاكَ مُجْمَعٌ عَلَى وَصُولِهِ. Ça fait l'unanimité entre les savants qu'on peut, quoi, offrir cette récompense. وَمَنْصُوصٌ مِنَ الشَّارِعِ عَلَيْهِمَا. Et il y a des textes dans الشَّرَعْ, dans الشَّارِعَ, des textes prophétiques qui nous démontrent que c'est possible de le faire. Mais l'imam Shafi'i, rahimahullah, ici, il n'est pas en train de débattre de la sadaqa ou du dua. Il est en train de débattre de quoi? De la récitation du Coran. Parce que l'imam Shafi'i, il dit, rahimahullah, que ça, ce n'est pas des choses dans lesquelles on fait analogie. C'est des choses reliées au ghaib, c'est trop précis pour qu'on puisse prétendre « Ah ok, vu qu'on peut offrir la sadaqa et le dua, alors on peut aussi offrir la récitation du Coran. » Non, non, Imam Shafi'i dit ça, c'est des questions de ibadat. On s'arrête là où Shara, ça c'est arrêté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On peut faire, on peut offrir, on peut aider par le dua, par la sadaqa, on le fait. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné quoi la récitation du Coran. En gros, ça, c'est des questions de divergence ici, mais comme on a mentionné, Imam Shafi'i, on parle ici du istidlal. Ça, c'est pas notre sujet, mais on parle ici du istidlal. Que lui, la façon de laquelle il a compris cette ayah, c'est qu'on peut comprendre de l'ayah qu'on ne peut pas offrir des actions à droite et à gauche à des personnes qui sont mortes ou même à des personnes qui sont vivantes. Il y avait une question? Non, ok, très bien, Inch'Allah. Fika barakallah. Bien sûr, ça c'est la déduction de l'imam Shafi'i. Il y a d'autres savants comme Sa'di dans son tafsir, il explique qu'il n'est pas d'accord avec l'imam Shafi'i, pas dans l'opinion nécessairement, mais dans la déduction, que la ayah n'implique pas cela nécessairement. Okay, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste pour vous donner une idée ici que on peut comprendre ayah comme ça et comme ça. C'est pour ça ici que certains savants de As-Salaf, Ikrima, il dit « Kana hadha al-hukmu fi qawmi Ibrahim wa Musa » وأما هذه الآية فلها سعي غيرها. Il dit Ikrima, l'un des tabi'in, que ça c'était pour les peuples de Moussa et de Ibrahim. La nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle peut bénéficier des bonnes œuvres des autres. Autre personne peut nous offrir nos bonnes œuvres, par exemple, après notre mort. Et certains ulama, comme Rabi' ibn Anas, il dit Al-insan huna, dans cette ayah, Al-insan, l'humain, ça ne parle pas de tous les humains. Ça parle du kafir. Le kafir, il n'y a personne qui va lui être bénéfique. Le mu'min, il peut être aidé par ses frères, encore une fois, par certaines bonnes œuvres comme le dua et la sadaqa, au moins, puisque ça fait l'unanimité. Ici, les ulama, ils posent comme question. « الإنسان » وإن كان قد يحصل له نفع بفضل الله وبرحمته فإنه قد عرف أن الله يرحم كثيرا من الناس من غير جهة عمله لكن ليس له إلا ما سعى. N'est-ce pas que il est déjà établi que Allah subhanahu wa ta'ala peut apporter du bien, sa miséricorde à une personne à cause des actions d'une autre personne. Ça c'est un peu votre question tout à l'heure sur l'éducation des parents. Alors l'imam Shanqiti rahimahullah dans son livre Daf'u Iham al-Ithtirab, il nous parle de cette question et regardez, il y a des choses très intéressantes ici. De un, il dit que dans sourate At-Tur, Allah Ta'ala il dit: "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi'imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay'." Que ceux qui avaient le iman, la foi, et que leur descendance, leurs enfants les ont suivis sur le iman, alhaqna bihim dhurriyatahum. On a fait rejoindre à eux leurs enfants. Ça, c'est dans Al-Jannah, c'est comme expliqué dans d'autres narrations, que dans Al-Jannah, Allah Ta'ala, il va donner une faveur à certains croyants, c'est qu'il va élever le rang de leurs enfants qui sont dans un degré moindre au paradis, il va les élever pour qu'ils soient avec eux dans le même niveau de Al-Jannah. Donc là, quelqu'un pourrait se poser une question, mais là, ces enfants-là, ils ont bénéficié de quoi? Des bonnes actions des autres. N'est-ce pas que ça semble être contradictoire, que chacun est responsable, chacun ne gagne que ses propres actions. Donc il dit ici, il y a trois points. Numéro un, أن آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره. Donc écoutez, ce point il est important. La ayah dans sourate An-Najm ici, ce qu'elle, la négation qu'on retrouve dans la ayah, c'est à propos de ce qui t'est garanti, ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, ce n'est que tes propres œuvres. Ça, c'est ton droit. Yawm al-Qiyama, tu ne peux pas réclamer auprès d'Allah Azza wa Jal. Ya Allah, je vais être bien traité par les actions des autres. Non, non. Ce qui t'appartient, ça veut dire ce qui est à toi. Mais Allah Ta'ala, il n'a pas nié, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il y ait des gens qui vont bénéficier des bonnes actions des autres. Il y a une différence entre quelque chose qui est ton droit, quelque chose qui n'est pas ton droit, mais que tu vas bénéficier. Chacun a amené la nourriture aujourd'hui pour la pause. C'est ta nourriture, c'est ton droit. Ça, ça m'appartient, c'est à moi. Mais la nourriture de quelqu'un d'autre, quelqu'un a amené beaucoup de nourriture, beaucoup plus, et il a dit, mangez. Avant d'arriver ici, tu ne peux pas, quoi, compter sur ce que les autres vont te donner. Tu dois préparer ce qui t'appartient à toi. Ce qui ne renie pas le fait que tu pourrais bénéficier des initiatives des autres. C'est clair? Donc Allah Ta'ala dit وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَ. L'humain, il n'a que, ça veut dire à lui. Lui appartient que ce qu'il a fait. Donc ça, c'est le premier point ici, comme il dit ici, وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ السَّعْيَ الْغَيْرِ مِلْكُ لِسَاعِيهِ إِنْ شَاءَ بَذَلَهُ لِغَيْرِهِ فَانْتَفَعَ بِهِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهُ لِنَفْسِهِ. Parce que ce qui appartient à autrui, c'est libre à l'autre personne de soit partager, de te faire bénéficier de ça ou non. Donc, s'il y a des parents, yawm al-qiyama, qui sont très pieux, qui vont demander à Allah Azza wa Jal, ya Allah, par ta faveur, pardonne à nos enfants, dans leur accès au même rang que nous, fi al-jannah. Ça, c'est à eux de faire ce dua. Peut-être qu'ils ne vont pas faire ce dua. Peut-être qu'ils ne vont pas demander ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est garanti. Numéro 1. Numéro 2. أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم ولو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك. Que même ces enfants-là, lorsqu'ils sont montés encore plus haut dans le Jannah, la cause principale, c'est leur iman, leur propre iman, leur propre foi. La preuve pour ça, c'est que s'ils étaient des kuffars, Allah ne va pas les élever dans le rang de leurs parents, ils ne vont même pas entrer dans le Jannah. Donc eux, ils ont une certaine quoi, contribution de sa'y. Pour qu'ils ont pu bénéficier du rang de leurs parents, eux aussi, ils ont quoi, l'iman. C'est pour ça Allah Ta'ala, il dit وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. Leurs enfants les avaient suivis avec iman. Donc ça, c'est un deuxième point qui est important. Comme il dit ici, فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين. Écoutez ce principe, il dit que ta foi et tes bonnes œuvres à toi, ça fait partie de ton sa'y, de tes initiatives pour pouvoir profiter des bonnes œuvres des autres musulmans. Par exemple, كما وقع في الصلاة في جماعة, comme dans le cas de la prière en groupe. صلاه الجماعه فان صلاه بعضهم مع بعض يتضاعف بها الاجر زياده على صلاته منفردا. Car prier en communauté, en groupe, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la récompense par rapport à ta salate tout seul. En d'autres termes, ce qu'il te dit ici l'imam Shanqiti, c'est que toi, en étant avec d'autres personnes qui sont en train de faire le bien, tu es en train maintenant d'avoir plus de ajr à cause de leur salate aussi. Ce n'est pas seulement par ma salate à moi. Mais est-ce que toi, tu as eu une certaine contribution? Ou on t'a juste dit, viens, présente-toi au masjid, regarde-les, eux ils font salate, toi tu vas avoir le ajr. Non. Fais la salate avec eux et ton ajr sera meilleur par la baraka de cette congrégation. Numéro 3. Il dit أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد ولكنه سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. Il dit numéro 3, le fait que ces enfants-là, ils ont été élevés dans leur rang du paradis, c'est pas une faveur principalement envers eux, c'est une faveur envers leurs parents. C'est leurs parents qui étaient tellement pieux, ils ont fait tellement de bien que Allah subhanahu wa ta'ala les a aimés, il est satisfait de eux subhanahu wa ta'ala. De par leurs bonnes œuvres, il leur a accordé ce que eux ils souhaitaient avoir, ça veut dire avoir leurs enfants devant eux, fi al-jannah. C'est clair? Donc là, principalement, la faveur, elle n'est pas envers les enfants. Elle est envers les parents. Bien sûr, les enfants vont profiter de cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le voulu, principalement, derrière la faveur, c'est de honorer les parents. Et les parents, c'est par leur sa'i. Ils étaient tellement proches d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jalla même a répondu à leur dua de faire élever leurs enfants avec eux. فَانْتِفَاعُ الْأَوْلَادِ تَبَعُونَ. Donc, eux, ils ont niveau secondaire. Ils ont profité. C'est comme parfois tu profites parce que quelqu'un a fait quelque chose de bien. Ça nous amène beaucoup de bien et nous, on profite. C'est clair? Ayah numéro 40. Allah Azza wa Jal, il dit « Wa anna sa'yahu sawfa yura. » Wa anna sa'yah. أي عمله وأن عمل كل عامل سوف يرى ويشاهد يوم القيامة. السعي, encore une fois ici, ça réfère à l'action, aux initiatives. Ce que tu as généré, ce que tu as fait, c'est ça qui t'appartient. Et Allah Azza wa Jalla dans la ayah 40, il dit subhanahu wa ta'ala que les actions de l'humain, ce sera vu. سوف يرى, ce sera vu. Ça veut dire le jour du jugement dernier. لما ثبت أنه ليس له ولا عليه إلا ما عمل وكان في الدنيا قد يفعل شيء من الخير والشر ولا يراه من فعله من أجله ولا غيره نفى أن تكون الآخرة كذلك. Donc là, le point intéressant ici, c'est que l'être humain, il est responsable, il paye les conséquences ou il profite des conséquences de ses œuvres, de son amal. Mais dans cette vie du bas monde, est-ce que l'être humain, il voit toujours les conséquences de ses œuvres? Est-ce que l'être humain, il voit toujours la... Est-ce que l'être humain, sans parler des conséquences, ça parle même pas des conséquences, avant tout. Est-ce que l'être humain, il y a des gens qui font la... Dans la vie du bas monde, il y a des gens qui font le mal. Est-ce que tout le mal qui est fait est vu? Non. Il y a des gens qui font le mal et qui n'est pas vu, ce mal. Ça passe inaperçu. Ils réussissent à cacher, à camoufler le mal. Et il y a des gens qui font le bien, mais qui n'est pas... vu. Dans la dunya, personne qui a vu ce bien. Alors Allah Ta'ala, il dit ici qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Que dans l'akhira, celui qui a fait le bien, son bien sera vu. Et celui qui a fait le mal, son mal sera aussi constaté et sera vu. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala wa anna sa'yahu sawfa yura. أي وأن كل وأن عمل كل عامل سوف يرى ويشاهد يوم القيامة. Donc là il y a deux opinions là-dessus. Ça se rapproche, ok, c'est pas des opinions très éloignées. Première opinion, l'opinion de Ibn Qutaybah, سوف يرى أي سوف يعلم. Ce sera connu. Ça veut dire que ses actions, ce sera connu le jour du jugement dernier. Il y a personne qui va faire des actions et que ce sera ignoré. Ça ne va pas être sur le registre. Non, ça sera connu. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Imran, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ الْآيَةِ. Chaque âme va trouver le jour du jugement dernier ce qu'elle a fait comme bien, ce qu'elle a fait comme mal, elle va trouver devant elle. Les deux ayats qu'on connaît tous, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا. Le peu de bien que quelqu'un va faire, il va le voir يوم القيامة. Le peu de mal qu'il a fait, il va aussi le voir يوم القيامة. Et l'autre opinion, ou bien avant ça, il dit وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة ليفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غما. Pour le croyant, le simple fait de voir ses bonnes œuvres, ce sera quoi? Un bonheur déjà, un plaisir, يوم القيامة, avant même la récompense. Et pour le kafir, juste le fait de voir ses mauvaises œuvres, ce sera quoi? Une torture, une souffrance avant même les conséquences et la punition pour ses mauvaises œuvres. La deuxième opinion ici de Saoufayoura, ce sera vu, qui se rapproche un peu de la première, mais d'un angle un peu différent. أي يعرض عليه ويكشف له أي أن الله تعالى يريه إياه فيرى العبد عمله يوم القيامة. Donc ça, excusez-moi, ça rejoint le premier. Mais le deuxième ici, ويحتمل أن يكون قوله يرى من رأى يرى فيكون كقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Faites les actions. Ça c'est dans une autre ayah, parce que Allah Ta'ala va voir vos œuvres et son messager, ainsi que les prophètes, alayhim as-salatu wa as-salam. Ay, anna amala kulli amilin sawfa yarahu yawm al-qiyamati bi al-jaza' alladhi yujaza alayhi khayran kana aw sharran. La yu'khadu bi'uqubati dhanbin ghayru amilihi wa la yuthabu ala salih amalin amilun ghayruhu wa fihi bisharatun li al-mu'minin. Ici, c'est que la bonne annonce pour les croyants, « أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ يُرِيهِ أَعْمَالَهُ الصَّالِحَةَ أَوْ يَكُنُ يُرِي مَلَائِكَتَهُ وَسَائِرَ خَلْقِهِ لِيَفْتَخِرَ الْعَامِلُ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورِ » Donc, « سَوْفَ يُرَى » Ses actions seront connues, ses bonnes œuvres. Il va les voir devant Allah Azza wa Jal, mais aussi, ce sera exposé devant tout le monde. Allah Ta'ala, les malaïka, les anges, mais aussi les gens, les êtres humains, ils vont voir les bonnes œuvres de cette personne. Celui qui a fait le mal, ce sera aussi quoi? Exposé yawma al-qiyam, excepté bien sûr pour les croyants pour lesquels Allah Ta'ala il va pardonner, il va les cacher. Ça, les hadiths sont là-dessus. Si Allah Ta'ala veut pardonner à quelqu'un, il veut surtout pour le mu'min, il va pas le dévoiler. Mais surtout pour les kafirines, le mal qu'ils ont fait, ce sera quoi? Exposé. Et c'est aussi mentionné pour certaines mauvaises œuvres, comme pour al-ghadr, la trahison. Hadhihi ghadratu fulan li kulli ghadirin liwa'un yawma al-qiyam. Celui qui va trahir un engagement, il va signer un contrat, un engagement à quelqu'un, après ça, il va le trahir. Tout celui qui va faire une trahison, avoir un liwa yawm al-qiyamah, comme un drapeau, comme ça, indication, un signe. Ça dit, hadihi ghadratu fulan. Ça, c'est la trahison de tel. Ce sera exposé devant les gens. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Comme on a dit, dans ad-dunya, ô combien de bien qui est fait, mais qui n'est pas visible aux gens. Allah Ta'ala, il est adl, il est juste, subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyamah, ce sera visible. Et ceux que le contraire, ceux qui faisaient le mal, ou ceux qui faisaient des actions, mais c'était le contraire, ils voulaient que ce soit visible dans ad-dunya, riya, parce que regardez ici, qu'est-ce que ça vous rappelle? Saufa yura, ça vous rappelle quel mot? Riya, riya, c'est l'ostentation, c'est de s'efforcer à montrer ses bonnes œuvres. Regardez-moi, je fais la salat, regardez-moi, je fais la umrah, regardez ma photo. Ça c'est riya. يوم القيامة, celui qui a fait des actions sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, que son intention était bonne, Allah subhanahu wa ta'ala va exposer ses bonnes œuvres. C'est Allah ta'ala qui va faire en sorte que ses bonnes œuvres seront vues par tout le monde. Ça vous fait, il y aura. Et le contraire, comme on a dit, celui qui a fait le mal, l'injustice et tout et tout et tout, même si ce n'était pas connu dans la dunya, eh bien ce sera exposé يوم القيامة, le jour du jugement dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lui, il prend une approche encore plus large. Il dit « Anna al-ayata amma, ay anna amalahu sawfa yura fi dunya wal akhira » que les actions de la personne seront vues dans la dunya, dans la akhira, mais aussi dans la dunya, tôt ou tard. Ayat numéro 41 « Thumma yujzahu al-jaza'a al-awfa » Allah Ta'ala, il dit « Thumma yujzahu » Après ça, il sera récompensé pour ça. La personne sera plutôt rétribuée, excusez-moi. Parce que la rétribution, c'est plus général que la récompense. C'est dans la punition, mais aussi dans la récompense. Al-jaza'a al-awfa, la rétribution la plus complète, la plus parfaite. Ay al-akmala wal-atam. Wa aslu wafiyya yadullu ala ikmalin wa itmam. Le mot wafiyya, ça réfère à quoi? La racine plutôt, wa fa ya, wa fi ya, ça réfère à quoi? L'accomplissement, le complet. Qu'est-ce que ça vous rappelle? N'allez pas trop loin. Wa Ibrahim alladhi waffa. Encore une fois, juste avant, Ibrahim, celui qui a accompli les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Quelques ayats plus tard, wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa. Ça vient de la même racine. Que Allah Ta'ala va accorder la rétribution à chacun, la rétribution la plus complète. Alors c'est quoi cette rétribution la plus complète? Il dit Ibn Uthaymin, al-akmal wal-awfa fi as-salih ziyadat al-mathuba. Pour ce qui est de la personne pieuse, celui qui faisait le bien, al-awfa, c'est la récompense et le surplus. Allah Ta'ala va lui donner du plus encore. La récompense est plus que la récompense qu'il mérite. On dit quoi ici? Awfa. Yufi al-mizan. C'est quoi yufi al-mizan? Tu fais la balance ici. Tu es un vendeur. Tu vends des choses. Tu as une balance. Du riz comme ça ou autre chose. Un kilo de riz. Je vais acheter un kilo de riz. Prends un kilo. Mais tufi al-mizan, tu ne vas pas donner un kilo. Un kilo et un peu plus. Donne, ajoute. Prends. Wa al-awfa fi al-sayyi'i al-adlu bihaythu la yuzadu fi sayyi'atihi. Tandis que pour celui qui a fait le mal, al-jaza'u al-awfa, la rétribution la plus parfaite, la plus complète, c'est que ce sera la justice. De sorte à ce que Allah Azza wa Jalla ne va pas lui ajouter dans ses sayyi'at, dans ses mauvaises œuvres. وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنى العدل ويفسر بمعنى الزيادة والفضل. Donc الأوفى ici, ça va dans les deux sens. Dans le sens de la justice, comme on dit quelqu'un, le juge lui a accordé quoi? La pleine sentence. Ça c'est bien sûr dans les lois humaines, mais c'est juste pour que j'explique les mots, c'est tout. Donc on va dire, ce crime dans la loi humaine, c'est entre 5 à 10 ans. Le juge lui a dit là, de la pleine sentence, 10 ans, complet. Aoufa, c'est la punition totale. Tout ce que tu mérites, tu vas l'avoir. Le contraire, dans le bien, c'est la générosité. Aoufa, c'est youfi, on va donner plus que ce que tu mérites. Numéro 42, Allah Azza wa Jalla, il dit dans la ayah 42, wa anna ila rabbika al-muntaha. Là on a de belles paroles des ulama à propos de cette ayah. Wa anna ila rabbika, et que vers ton Seigneur, vers Allah Azza wa Jalla est le muntaha. C'est quoi al-muntaha? La fin, la destination finale. Donc ça c'est un mot qui est très très vaste, muntaha. C'est pour ça les ulama, ici vous allez voir où est-ce qu'ils, jusqu'à quel point ils vont aller vaste dans l'explication de cette ayah, subhanallah. Ça vient de, ça nous rappelle al-nihaya. Nihaya c'est la fin, on va dire intahayna. Le cours est terminé, intaha ad-dars. On a fini le tafsir de cette sourate, intaha. Ou parfois on va dire quoi? Intaha ila mawdi'i kadha. Un voyageur ou quelqu'un qui va faire un défi, par exemple. C'est-à-dire, je vais marcher dans la montagne, je vais faire une longue marche, une longue course. Et je vais aller partir loin. Marche, marche. Une fois qu'il va être épuisé, il va dire, je ne peux plus aller plus loin. Il va dire quoi? Intaha ila mawdi'i kadha. Il s'est arrêté là. C'est là l'arrêt. C'est ça. Pas plus loin que ça. Alors, au final, la fin de toute chose, tout va finir vers où et auprès de où et auprès de qui? Auprès de notre Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va commencer du plus spécifique, après ça, on va aller au plus large. Donc là, certains ulama, ils disent « Wa anna ila rabbika ya Muhammad, marji' wa masira jami' al-ibad » que le retour de tous les êtres humains sera vers ton Seigneur, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire dans l'akhirah. Al-biqa'i et al-sa'di, ils vont donner une explication plus large que cela. قال البقاعي أي الانتهاء برجوع الخلائق حسا بالبعث ومعنا بالعمل والعلم وإسناد الأمور وإرسال الآمال ومكان رجوعهم وزمانه كما كان منه المبتدا. Donc ici il dit que la fin de toutes les créatures c'est auprès d'Allah Azza wa Jal. La fin physique, ça veut dire le jour du jugement dernier, on va tous revenir vers Allah Ta'ala. Mais aussi, il dit même dans le sens quoi? moral abstrait de la chose, pas juste le sens physique, il dit le retour de toutes les actions et de toutes les connaissances. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isnad al-umur. C'est quoi isnad al-umur? Toute chose en finit par l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a oublié de m'amener telle chose et l'autre a fait telle erreur et l'autre a ajouté telle chose. Mais ce qui fait qu'il y a eu des conséquences sur ma vie et sur ma journée et je ne sais pas quoi. Mais au final, tout revient quoi à ah, c'est le qadar d'Allah ta'ala. Isnadul umur ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tel a subi de l'injustice et demande de l'aide. Mais au final quoi? Je me plains finalement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout va revenir et va finir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le temps de leur retour, ainsi que le lieu de leur retour, tout ça c'est auprès d'Allah azza wa jal. Kama kana minhu al-mubtada. Tout comme le début, tout est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilayhi raji'u. On appartient à Allah, on vient d'Allah azza wa jal. On va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِلَيْهِ السَّعْدِ إِنُّ دِي فَإِلَيْهِ يَنْتَهِي الْعِلْمُ وَالْحُكْمُ وَالرَّحْمَةُ وَسَائِرُ الْكَمَالَاتِ. Tous les attributs de perfection reviennent à Allah Azza wa Jal. La science, on peut dire, je connais. D'où est-ce que je connais moi ce que je connais? Si je prétends connaître beaucoup de choses, d'où est-ce que j'ai appris ça moi? D'où est-ce que j'ai amené cette science? Donc ça finit par attribuer ça à Allah Azza wa Jal. Mais si on va de façon graduelle, d'où est-ce que j'ai appris? Quelqu'un m'a appris, quelqu'un d'autre a écrit un livre, une autre personne m'a donné une information, mes parents m'ont appris des choses, et eux, et ça finit, mais ça revient au final, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hukm, le jugement, la même chose, ar-rahma, la miséricorde, absolu, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a une partie de la rahma d'Allah, une petite partie de la rahma d'Allah azza wa jal, que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre dans ad-dunya, fabiha yatarahamu al-khala'iq, que c'est avec cette petite partie de la miséricorde d'Allah azza wa jal que les êtres humains et que les créatures en général, ça inclut même les animaux, se traitent avec miséricorde. إلى الله المنتهى في أمور الدين والدنيا. Allah Ta'ala revient la fin de toute chose, de ad-din, de la religion ainsi que de la dunya. Alors ils disent ici les ulama, وَإِذَا كَانَ إِلَى اللَّهِ الْمُنْتَهَى فَاجْعَلْ شَكْوَاكَ إِلَيْهِ إِذَا أَصَابَكَ الضُّرُّ. Alors fais en sorte que ta plainte, qu'elle soit finalement auprès d'Allah Azza wa Jal, si le mal t'arrive. Ne va pas te plaindre seulement auprès des gens. Fais ta plainte finale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاجْعَلْ تَوَجُّهَكَ إِلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ النَّفْعَ. Et si tu cherches le bien, tes bienfaits, tes avantages, eh bien, fais en sorte que ta direction finale, elle soit Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire dans tes doigts, tes invocations, ainsi de suite. فَلَا يَجْلِبُ لَكَ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا يَمْنَعُ عَنْكَ الضَّرَرْ إِلَّا اللَّهِ. Azza wa Jal, personne ne peut t'attirer le bien, personne ne peut t'empêcher le mal à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et là l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va vraiment dans les détails qu'on va inshallah ta'ala résumer. Alors il dit que cette aya mutadamminun li kanzin 'azim, elle contient un grand trésor. Wa huwa anna kull murad in lam yurad min ajlihi wa yattasil bihi. Toute volonté qui n'est pas au final pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, est liée à Allah azza wa jal, فَهُوَ مُضْمَحِلٌ مُنْقَطِعٌ. C'est une volonté qui va finir, qui va se dissiper. فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى وَلَيْسَ الْمُنْتَهَى إِلَّا إِلَى الَّذِي انْتَهَتْ إِلَيْهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَانْتَهَتْ إِلَى خَلْقِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ. Tout revient à la connaissance d'Allah Azza wa Jal, à sa volonté, à sa sagesse, à sa création, subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ غَايَةُ كُلِّ مَطْلُوبٍ وَكُلُّ مَحْبُوبٍ لَا يُحَبُّ مِنْ أَجْلِهِ فَمَحَبَّتُهُ عَنَاءٌ وَعَذَابٌ. Il dit, tout ce que tu aimes pour autre que Allah Azza wa Jal, son amour, ça va devenir quoi? Une souffrance et une peine. وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُرَادُ مِنْ أَجْلِهِ فَهُوَ ضَائِعٌ وَبَاطِلٌ. Toute œuvre, toute action qui n'est pas faite pour lui, pour Allah Azza wa Jal, elle est quoi? Batil. Elle est nulle. وَكُلُّ قَلْبٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ فَهُوَ شَقِيٌّ مَحْجُوبٌ عَنْ سَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ. Et tout cœur qui n'arrive pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un cœur qui est voilé, qui n'arrive pas, qui est empêché d'arriver et d'atteindre le bonheur. فَاجْتَمَعَ مَا يُرَادُ مِنْهُ كُلُّهُ فِي قَوْلِهِ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Alors, tout ce qu'on veut avoir, tout ce qu'on veut gagner, il est dans l'autre ayah, dans sourate Al-Hijr, Allah Azza wa Jal, il dit وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Toute chose dans cet univers, les coffres, les khazain, sont auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc là, l'erreur qu'on fait très souvent dans la compréhension de ces ayats-là, c'est quoi? C'est de penser toujours au matériel. Parce qu'Allah Ta'ala dit وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Ah, oh, c'est Allah Ta'ala qui détient l'argent et les richesses. Si tu veux la richesse, tu dois la chercher auprès d'Allah Azza wa Jal. Non, c'est beaucoup plus large que ça. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ الْعُمُوم. Toute chose. Le bonheur, la science, la force, la foi, la sérénité, tout. Et entre eux, c'est dans les coffres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui la distribue. وَاجْتَمَعَ مَا يُرَادُ لَهُ كُلُّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Donc là, regardez, il y a deux choses. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit, il y a des choses qu'on veut de Allah, et il y a des choses qu'on veut pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Les choses qu'on veut de Allah, ce qu'on veut que Allah Azza wa Jal, il nous donne. Ya Allah, donne-moi telle chose et telle chose. Ça, c'est dans l'autre ayah, surat Al-Hijr. Les coffres d'Allah Azza wa Jal. Les coffres sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on veut pour Allah, tout ce qui est pour Allah, wa anna ila rabbika al-muntaha. Ici dans surat Al-Najm. Toute action qu'on fait pour Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est dans cette ayah ici. Alors, il dit ici, وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه. Il dit qu'il y a un secret ici du tawhid qui est dans cette ayah, c'est que le cœur ne peut trouver sa quiétude et sa sérénité et son bonheur que en arrivant, en atteignant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être proche d'Allah azza wa jal. Parce que al-wusul ilayh, ils utilisent souvent ce mot-là qui est al-wusul ilallah. C'est pas bien sûr dans le sens physique, mais al-wusul ilallah, ça veut dire arriver à ce que Allah azza wa jal soit satisfait de nous, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, être proche d'Allah azza wa jal. C'est ça le sens ici de al-wusul, arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa kullu ما كل وكل سواه أو كل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى. Il dit ici que toute chose qu'on aime, eh bien, il faudrait qu'on l'aime, mais pour une autre finalité qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un il vit dans cette vie du bas monde en aimant quelque chose ou quelqu'un et que c'est sa finalité, il va souffrir. Ça, c'est quelqu'un de perdu, d'égaré. Tout ce que la personne aime, eh bien, ça doit être quoi? Un passage. Mais la finalité, ça sera quoi? C'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْتَهَ إِلَيْهِ اثْنَيْنِ. Il dit, c'est impossible, inacceptable, c'est illogique, ça ne marche pas. Que la finalité soit deux. Donc là, le tawhid, pas seulement dans le début, dans la finalité. كَمَا يَسْتَحِلُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُقَاتِ مِنْ اثْنَيْنِ. Tout comme il est impossible que le début de la création vient de deux sources. le début de toute chose, c'est une seule source, c'est Allah Azza wa Jalla. Et de ce fait, la fin de toute chose doit être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, incluant nos intentions. C'est pour ça que le shirk, qu'est-ce qu'il est quoi ? Zulmun azim, c'est quelque chose d'inconcevable, inacceptable, le polythéisme. D'accorder avec Allah Azza wa Jalla un ou plusieurs autres partenaires. On l'a dit plusieurs fois, les mouchriquines, très souvent à travers l'histoire, ils ne discutent pas, ils ne débattent pas du fait que la source de toute chose, au début, c'est qui ? C'est Allah Azza wa Jal. Ils disent c'est Allah Ta'ala, le créateur de toute chose. Même leur divinité, c'est Allah qui les a créés. Mais par la suite, leur finalité, c'est quoi ? Ils adorent Allah, mais ils adorent autre que Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est clair ? La ayah après ça, qui est la ayah numéro 43, Allah Azza wa Jal, il dit « وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ نَعْمَ خِي » Pour revenir à la ayah précédente, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer l'aspect des choses qu'on veut pour Allah? Est-ce que c'est ces choses-là, elles ne vont pas se terminer et les choses qu'on aime en dehors d'Allah vont se terminer? Si quelque chose... On aime quelque chose pour soi et qu'il n'y a pas de finalité derrière. Il y a pas, si quelqu'un aime quelqu'un ou quelque chose, mais il ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Il ne va pas plus loin que ça. N'arrive pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence entre quelqu'un qui aime quelque chose pour Allah azza wa jalla. Quelqu'un aime le pouvoir. Il aime, veut acquérir le pouvoir. Pourquoi il veut acquérir le pouvoir ? Pour le prestige, pour ah donc là oui il y a, là c'est l'autre façon, il y a quelqu'un, il aime le pouvoir parce que il sait très bien que la religion d'Allah Azza wa Jal a besoin de quelqu'un qui va prendre le pouvoir, qui va l'implémenter. Yusuf alayhi salam, il a dit ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidhun Alim, lui ne cherche pas le pouvoir comme une finalité. Qu'est-ce que les gens de la dunya, ils aspireraient à quoi? Le plus haut qu'elle, ceux qui aiment le pouvoir. Il y en a qui aiment l'argent, les pouvoirs, le matériel, ça dépend. Celui qui aime le pouvoir, quelle est la plus haute chose à laquelle il va aspirer? Quoi? Devenir président des États-Unis. Plus grande puissance sur cette terre. Ça, c'est la finalité pour lui. Il n'y a pas plus haut que ça. Après ça, il y a quoi ? Tu es devenu président des Américains. Après ça, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es devenu l'empereur des Romains. Après ça, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, s'il n'y a pas quelque chose derrière qui va plus loin, qui se termine finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah azza wa jal, alors de un, ça va finir par être une peine, une souffrance pour la personne. Et de deux, فَهُوَ بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌ. Ça va se terminer. Tu es devenu l'empereur des Romains. Les empereurs des Romains, les empereurs des Perses et ainsi de suite, ils sont où par la suite ? Dans leur tombe. Et il n'y a rien de leur prestige ou de leur puissance qui reste et qui restera avec eux. Mais quelque chose qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle restera de façon éternelle. C'est clair. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Les bonnes œuvres qui sont faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, baqiyat, Allah ta'ala les nomme ici al-baqiyat. Ça c'est dans sourate al-Kahf, elles sont al-baqiyat. Ces actions qui restent pour toujours. Les bonnes œuvres, si Allah ta'ala les accepte, elles restent de façon éternelle. La bonne œuvre, elle est éternelle. Son effet, il est éternel. Sa présence, elle sera éternelle. Est-ce que ça clarifie un peu ? وفيك بارك الله طيب آية numéro 43 الله عز وجل يدي وأنه هو أضحك وأبكى et que c'est lui, certes c'est lui et seulement lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. أضحك وأبكى, même une chose tellement qu'on pourrait considérer tellement simple, en fait, elle est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa تعالى. قال الواحدي أكثر المفسرين على أن هذا عام في كل ضحك وبكاء. الواحدي يقول que la plupart des مفسرين sont d'opinion que ça parle de chaque rire et de chaque pleur. Les rires et les pleurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jal il veut, il va faire telle personne rire. Si il veut, il va faire telle personne quoi? Pleurer. C'est une chose que même la personne elle-même n'a pas le contrôle de faire. Il y a quelqu'un qui éclaterait de rire. On dit arrête. Il dit je ne peux pas arrêter. Et il y a quelqu'un d'autre qui commence à pleurer. On dit arrête de pleurer. Il dit, je ne peux pas arrêter. Le contraire, il y a quelqu'un qui est attristé. On va dire on va essayer de lui lancer des blagues et tout pour qu'il... On va essayer de le faire rire. Il ne va pas rire. Et il y a quelqu'un d'autre à qui on veut causer de la peine. On va dire, on va le détruire, on va le faire souffrir avec, il commence à pleurer et il ne pleure pas. Et ça, c'est l'opinion de Ibn Jarir, Tabari, Ibn Uthaymin et d'autres. Que ça, c'est tout. Les pleurs de la dunya et les pleurs de la akhira, desquels on va parler dans un moment, incha'Allah, Azza wa Jal. L'imam Tahir ibn Ashur, lui, dans son tafsir, il est plutôt d'opinion que ça parle de seulement de la dunya. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَ فِي الدُّنْيَا وَلَا عَلَاقَةَ لِهَذَا بِالْمَسَرَّةِ وَالْحُزْنِ الْحَاصِلَيْنِ فِي الْآخِرَةِ. Donc là, il y a la perspective des savants qui disent que pleurer, rire dans la dunya et dans la akhira, ça parle de ça, la ayah. Et là, le lien, même dans la akhira, le lien, ça serait quoi ici? C'est quoi le contraste si on parle de la akhira encore une fois? C'est quoi le contraste entre le rire et le pleurer relié au contexte des ayat avant? Ça serait quoi? Ceux qui ont fait le bien, le muhsin, eh bien, il va rire. Yawma al-qiyama. Celui qui a fait le mal, il va pleurer. Yawma al-qiyama. Et ça aussi, ce sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a adhaka wa abka subhanahu wa ta'ala. Mais comme on a mentionné ici, At-Tahir ibn Ashur, il mentionne que ça c'est le contexte de la ayah, elle parle spécifiquement de rire et pleurer dans la dunya. Donc ça, si ça parle seulement de la dunya, ce ne serait pas un rappel sur la akhira, mais là c'est une indication, un rappel sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا يَعْمَلُهُ الْإِنسَانِ فَبِقَضَاءِ اللَّهِ وَا خلقه. Tout ce que l'être humain il fait, c'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté. فهو انتقال من الاعتبار بأحوال الآخرة إلى الاعتبار بأحوال الحياة الدنيا. Que les ayats avant, ça parlait des signes d'Allah azza wa jal dans l'au-delà, et maintenant ça parle des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la dunya. Donc là, le contexte des ayats a transféré, a changé. Avant, ça parle de la puissance d'Allah Azza wa Jal, de ses signes dans l'au-delà. Les ayats qui vont venir maintenant, ça va parler des signes d'Allah Ta'ala dans la dunya. Okay, les ayats qui vont venir juste après, incha'Allah Azza wa Jal. وَأَيْضًا لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمُورَ الْإِخْتِيَارِيَةَ وَقَدَّمَهَا لِأَنَّهَا مَحَطٌ لِلْبَلَاءِ. Là, c'est quoi l'umour al-ikhtiyariya? Regardez. On a deux types d'actions. Pas compliqué à comprendre, bien sûr. Et vous connaissez ça, mais on va juste le rappeler dans le contexte ici du cours. On a les actions volontaires et les actions involontaires. Quelle est la différence entre les deux? Qui pourrait nous donner l'exemple d'une action volontaire et d'une action involontaire? L'intention, la niya, ok? Oui. Les rêves, c'est pas vraiment une action. La salette, boire de l'eau, c'est une action volontaire. Allah Ta'ala m'a donné une volonté. Allah Ta'ala, ma volonté, elle dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jalla, mais Allah Subhanahu wa Ta'ala m'a permis, en tant qu'être humain, d'avoir une volonté ici, en général, de pouvoir boire de l'eau si je veux, ou de parler ou autre chose. Les actions involontaires, c'est autre chose. C'est comme sursauter de peur. Tu t'apprêtes à sortir de la porte et quelqu'un te fait un cri. Là, tu vas sursauter. Est-ce que tu vas planifier ça? Est-ce que tu as un contrôle sur ça? Tu vas dire, dans l'avenir, je vais m'empêcher. Ça ne va plus arriver que je sursaute de peur. Pas garanti. C'est clair? Et si le rire et le pleur, c'est quel type d'action? Les rires et les pleurs les plus sincères sont quoi? Involontaires. Ça peut être fake, on s'attend. On s'entend là-dessus. Quelqu'un peut s'efforcer à rire, faire semblant de rire. Ou le contraire. Quelqu'un peut faire l'artiste, pleure comme ça. Ça arrive, ça c'est des actions volontaires. Mais ce n'est pas honnête, ce n'est pas sincère. Rire et pleurer de façon sincère, ça c'est involontaire. C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, Allah azza wa jal, vu que juste avant dans les ayats, il a commencé par nous parler des actions volontaires. Pourquoi les actions volontaires? Parce que hiya mahattul bala. Parce qu'on est responsabilisé des actions volontaires. Les actions avant, quand tu as parlé wa anna sa'yahu sawfa yura, le sa'y de l'insan, il va voir les conséquences et tout. Ça, c'est sur ça qu'on sera jugé au mal qiyama. C'est sur nos actions volontaires. Et au mal qiyama, on ne sera pas jugé à ce que tu as pleuré ou tu es en train de rire. Bien sûr, encore une fois, on parle ici de ce qui est spontané. On ne parle pas de ce qui est takalluf, quelqu'un qui s'efforce. Ce qui est sincère, Allah Ta'ala ne va pas nous questionner au mal qiyama sur les pleurs et sur les rires. Donc là, c'est des actions involontaires. Allah Ta'ala a commencé par mentionner les actions volontaires de l'être humain parce que c'est ça l'essentiel. C'est sur cela qu'on sera jugé. Maintenant, Allah Azza wa Jalla nous parle de ce que nous, on ne contrôle pas nécessairement. Wa annahu huwa adhaka wa abka subhanahu wa ta'ala. Même si, encore une fois, certains ulama, même les ulama qui disent que le rire et le pleurer, ça parle ici dans la dunya, mais il y a une munasaba, un contexte ici avec celui qui a fait le bien, qui va être heureux yawma al-qiyama, celui qui a fait le mal, qui va être attristé yawma al-qiyama. Donc, là, ces ayats-là, elles contiennent beaucoup de contrastes, d'oppositions. Et les ulama, ils disent, l'opposition en général, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah azza wa jalla est ala kulli shay'in qadir. Allah ta'ala crée la chose et son contraire, son opposé complet. Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir. Ayah numéro 44, qu'on va laisser pour la prochaine séance, incha'Allah. Allah azza wa jalla nous parle de la vie et de la mort. Wa annahu huwa amata wa ahya. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.